variations à reporter, des machins à exhumer, des douceurs à emmurer, des idées à oublier, des pensées à standing, des variations à déchirer, des machins à maudire, des douceurs à donner, des idées à relativiser, des pensées à déglutir, des bulles à bulletin, des brousses à brouter, des broyeurs à brûler, des brûlis à brûlot, des litrons à litote, des linéaires à linge, des potages à post-it, des possédés à positionner, des sacrilèges à sage, des salaisons dans ma maison. Connaissances à connaître, des connecteurs à conneries, des connexions à honneur, des horreurs à hiberner, des hit-parades interviews, des interfaces à jazz, des jeunisses à jamais, des octaves